Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, grand saut vers la liberté du danseur soviétique Rudolf Nureyev. En mai 1961, le monde découvre un danseur prodige pendant la tournée du ballet du Kirov à Paris. Rudolf Nureyev est comparé à Nijinsky et qualifié de meilleur danseur du monde. Mais c'est un acte politique qui le transforme en légende et en icône de la liberté, sa défection spectaculaire quelques semaines plus tard à l'aéroport du Bourget. Alors, dissident politique ou artiste qui voulait simplement être libre de danser où il voulait, quand il voulait? Quelles que soient ses motivations, cette évasion intervient au moment le plus critique de la guerre froide, quelques semaines avant la construction du mur de Berlin. Et tout au long de sa carrière, pour danser là où il le souhaite, il va devoir résister aux pressions de l'URSS sur les gouvernements étrangers. Un combat de très longue haleine. Notre invité aujourd'hui, Ariane Dolfus, journaliste culture, spécialiste de danse et auteur de la biographie Nureyev l'Insoumis, publiée chez Flammarion en 2007. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Élise Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. На первый нос делай поворот. Раз, раз, раз, раз, скорее поворачивайся. Вот так вот. Рам, та-да-дам. Printemps 1961, Leningrad, URSS. Au théâtre du Kirov, le ballet répète activement. La Belle au bois dormant, le lac des Cygnes, la Bayadère. Le Kirov prépare les plus belles pièces de son répertoire pour une série de représentations exceptionnelles. Car pour la première fois, les danseurs sont invités à se produire dans les capitales françaises et anglaises. Quelle excitation! Mais dans les vestiaires, un jeune homme rumine. Voir Paris, oui, bien sûr, oh là, un vieux rêve. Mais il sait que ses chances de faire partie du voyage sont nulles. Rudolf Nureyev, danseur prodige de 23 ans, est pourtant déjà l'une des stars de la troupe. Dès sa sortie de l'école Vaganova, l'antichambre de Kirov, en 1958, le danseur est nommé directement soliste, rarissime. Avant lui, seuls les grands Michel Fokine et Vaslav Nijinsky ont connu pareille ascension. Une revanche sur la vie pour le jeune Tatar, une ethnie soviétique de nomades d'origine turque. Car l'enfance de Nureyev est digne d'un roman de Charles Dickens. Il voit le jour dans un train, le Transsibérien, en 1938, alors que sa mère et ses trois filles rejoignent le père en garnison à Vladivostok. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale et que M. Nureyev est envoyé au front, sa famille s'installe dans la petite ville d'Oufa, en Bachkirie. Misérable, la mère est obligée de vendre les vêtements de ville de son mari pour nourrir ses enfants. Rudolf découvre la danse un 1er janvier, lorsque la mère réussit à faire entrer tous ses enfants à l'opéra d'Oufa. Il a 6 ans, il n'a que 6 ans, et pourtant, il trouve là sa raison de vivre. Il sera danseur. À l'école, il apprend la danse folklorique, mais pour pouvoir pratiquer son art à l'envi, il doit braver l'autorité de son père, communiste convaincu et instructeur politique dans l'armée, toute la panoplie du serveur zélé du régime. C'est ce que raconte Nureyev au micro de Daniel Bilalian sur le plateau d'Antenne de Midi le 12 mars 1981. Il ne semble pas, Rudolf Nureyev, lorsqu'on lit votre biographie, que vos premières rencontres avec la danse aient été approuvées par vos parents. Est-ce que votre famille vous a poussé dans votre carrière? Je crois que votre père ne voulait absolument pas. Absolument pas. They didn't want me to dance at all. Non, ils ne voulaient pas du tout que je danse. Lorsque papa a découvert qu'alors que j'allais chercher du pain, ou que j'allais essayer de trouver du pain, ce n'était pas tellement facile d'en trouver, parce qu'il y avait des queues dans les boulangeries, etc. Alors j'allais très très vite, je trouvais le pain très vite, mais le temps qui me restait, j'allais apprendre à danser, ou j'allais au théâtre. Et alors, lorsque je suis en rentrant à la maison, eh bien, si mon père ne dormait pas, il me battait. À force de détermination, le petit Rudolf intègre l'école de danse du théâtre du Kirov à Leningrad. Mais déjà, il se démarque par son insolence, ses provocations. Une fois danseur au ballet de Leningrad, on s'en méfie autant qu'on le glorifie. il est distribué plus de 30 fois en 3 ans, bien plus que les jeunes solistes de son rang. Mais son profil et son comportement inquiètent les autorités. Anticonformiste, il réclame de plus en plus de liberté artistique. Pas très communiste tout ça. D'autant plus que, ultime outrage, il refuse d'intégrer les Komsomol, les jeunesses communistes, et d'adhérer au parti. Et puis alors, que dire de son attirance pour tout ce qui est occidental? À Moscou, il fait le mur pour aller voir des compagnies étrangères en tournée en URSS. Lorsque la comédie musicale My Fair Lady s'arrête à Leningrad, il fréquente la troupe américaine. Il prend également des cours d'anglais pour communiquer avec les artistes étrangers. Bref, le danseur en pince pour l'Occident, comme il explique d'ailleurs à Yves Morosi sur TF1 le 3 avril 1976. À l'époque, lorsque j'étais à l'école de Kirov, tous les magazines qui parlaient de danse, j'aurais mendié pour les avoir. J'aurais vendu quelque chose juste pour pouvoir les regarder, sans être capable de les lire, comme une œuvre de Béjart de 1957-58, quelque chose comme ça, je regardais les images. Aux yeux des autorités soviétiques, Rudolf Nureyev est donc un dissident, un vrai, le gêneur type. Alors, très vite, le KGB et la direction du Kirov s'arrangent pour le scotcher au pays. Pas question qu'il participe au déplacement du ballet à l'étranger. Et lorsqu'une compagnie occidentale se produit sur le territoire, on l'envoie danser dans des tournées de second rang. En décembre 1960, il est expédié à Lochkarola, en plein centre de la Russie, à 850 km de Moscou. 24 heures de train en plein hiver, une scène ridicule pour se produire, les conditions de cette mutation, on va dire comme ça, sont extrêmement difficiles. Alors Nureyev claque la porte dès le premier soir de spectacle et repart seul à Moscou. La sanction est rude, plus de tournées, plus de représentations devant les officiels. À 6 mois du voyage de Kirov à l'ouest, il est privé de sortie. À moins que la chance des jeunes danseurs ne tourne. Il se trouve qu'à Paris, à l'ALAP, l'agence française qui gère les échanges culturels avec l'URSS, les impresarios ne sont pas convaincus par la distribution des spectacles prévus par la compagnie. Le Kirov, en effet, a choisi de faire danser deux étoiles déclinantes, le maître de ballet Constantin Sergeïev, avec sa femme, la grande Dudinskaya, tous les deux la cinquantaine. Le Kirov envoie donc à Leningrad l'une de ses employées, une certaine Jeannine Ringuet, dénicher des danseurs pour les spectacles à Paris. La jeune femme est certes impressionnée par la qualité des danseuses de la compagnie, mais un peu déçue par les solistes masculins. La veille de son départ, elle voit une affiche pour une représentation de Don Quichotte qui se tient le soir même. Mais pourquoi ne lui a-t-on pas proposé d'assister à ce ballet? La mise en scène est poussiéreuse, la distribution mauvaise, lui explique Constantin Sergeïev, le maître de ballet du Kirov. Bon, d'accord. Sauf que Jeannine Ringuet prend tout de même une place. Levé de rideau, le ballet est effectivement très vieillot. Mais surgit sur scène au début du premier acte un soliste incroyable dans le rôle de Basile, le premier rôle masculin. Jeannine Ringuet, c'est bien simple, ne voit que lui pendant tout le spectacle. Époustouflée, elle se rue sur une ouvreuse et lui demande qui est ce soliste. Mais c'est Rudolf Nureyev, notre meilleur danseur, lui répond l'ouvreuse. Jeannine Ringuet a trouvé ce qu'elle cherchait. Ce Nureyev doit faire partie de la tournée. Ni une ni deux, elle envoie un télégramme à son supérieur, Fernand Lombroso. J'ai vu ce soir le plus grand danseur du monde. Ma chère Jeannine, vous êtes un peu jeune dans le métier pour décider de qui est le plus grand danseur du monde. Jeannine Ringuet est peut-être un peu jeune, mais elle est certaine de ce qu'elle a vu. De retour de Leningrad, elle insiste auprès de ses supérieurs. Ils n'ont qu'à demander son avis à la ministre de la Culture soviétique, d'ailleurs, Ekaterina Fourtseva. Et l'intéressé confirme, oui, Nureyev est bien le meilleur danseur du Kirov. Mais non, il ne viendra pas. Indiscipliné, justifie la ministre. Mais les Français ne veulent rien entendre. Ce sera avec Nureyev, point final. Bon, les soviétiques cèdent. Rudolf Nureyev va donc poser le pied sur ces territoires artistiques occidentaux qui le font tant rêver. Et pour les danseurs du Kirov, ce voyage n'est pas synonyme de liberté. Non, la compagnie est flanquée d'agents du KGB, bien sûr. D'ailleurs, avant de partir, tous les artistes sont briefés et les règles sont strictes. ne pas fréquenter d'étrangers, respecter le programme et ne jamais se promener seul. Un escorteur officiel est chargé de surveiller les danseurs, bien conscient qu'avec le turbulent Nouriev dans la troupe, sa mission risque d'être particulièrement ardue. C'est ainsi que Rudolf Nouriev débarque à Paris le 10 mai 1961 avec 140 autres artistes du Kirov. Le ballet du théâtre Kirov de Leningrad est obligatoirement sujet à comparaison, d'une part avec les autres ballets soviétiques venus à Paris comme celui du Bolchoï ou le Stanislavski, et d'autre part avec le ballet Cuevas, puisque son premier programme est consacré à la Belle au bois dormant de Tchaïkovski. En ce qui concerne la première comparaison, on peut dire que le ballet de Leningrad la supporte aisément, ses éléments semblant même plus jeunes que ceux du Bolchoï. Les danseuses notamment sont fort belles, leur technique est impeccable et à noter tout particulièrement le très beau travail des bras. En revanche, à l'exception de Yuri Soloviev, qui interprète l'oiseau bleu, aucune étoile ne domine nettement. Le 16 mai 1961, les ballets du Kirov inaugurent leur série de représentations sur la scène de l'Opéra de Paris avec la Belle au bois dormant. Et comme on peut l'entendre de son compte-rendu de Charles Imbert, de la RTF, le lendemain, l'accueil est mitigé. Non, le Kirov n'impressionne pas le public parisien. Rudolf Nouriev, lui, a été relégué en seconde distribution, car tout est fait pour ne pas le mettre en avant. Or, la direction du Kirov l'ignore, mais la presse, les danseurs et certains artistes ont l'habitude d'assister à la répétition générale qui précède la première. Et ce soir-là, c'est Rudolf Nouriev qui danse. Un bruit commence alors à courir dans tout Paris. Il y a au Kirov un danseur époustouflant. La rumeur se confirme 4 jours plus tard, quand Rudolf Nouriev apparaît pour la première fois sur scène dans le rôle de Solor, dans le ballet La Bayadère de Marius Petipa. Sa prestation enchante les journalistes. Olivier Merlin, par exemple, du journal Le Monde. Elles furent tout à fait vivantes, ces ombres, quand elles accompagnèrent dans une aérienne série de mouvements d'ensemble les deux protagonistes du ballet. Nikia, la bien-aimée, mademoiselle Olga Moyaseva, et Solor le guerrier, monsieur Rudolf Nouriev. On n'oubliera pas de sitôt le solo de celui-ci, son arrivée en pas couru du fond de la scène et sa façon féline de se rassembler face à la rampe. La taille ceinte par une écharpe blanche sur une tunique outre-mer, avec ses grands yeux bizarres et ses joues creusées sous le turban à aigrette, ses cuisses superbement renflées dans les collants immaculés. C'était déjà le Nijinsky de l'oiseau de feu. La variation dans laquelle il s'envola tient du prodige. Des prouesses exécutées en souplesse, jamais en force, qui firent crouler l'opéra sous des applaudissements. Oui, une légende est en train de naître. Et quelle ironie! Nouriev n'aurait jamais dû poser le pied à Paris. Et pourtant, grâce à lui, la tournée du Kirov est en train de devenir un triomphe. À tel point que la compagnie doit déménager au Palais des Sports, 5000 places, pour y donner la Belle au bois dormant, puis le lac des Cygnes. Pour Nouriev, ce voyage parisien remplit vraiment toutes ses promesses. À l'Opéra de Paris, il fait la connaissance de danseurs français, Pierre Lacote, Claire Motte ou encore Claude Bessy, au cours d'une réception organisée en l'honneur du Kirov. Nouriev, la sociale, se montre tout d'un coup bien affable. Grâce à l'insistance de ses nouvelles connaissances, il obtient de Sergeïev l'autorisation d'aller dîner avec eux le lendemain. Seule condition, être accompagné de son compagnon de chambre, Yuri Soloviev. Seuls les deux soviétiques à parler anglais, Nouriev se lie rapidement d'amitié avec les Français. Et Rudolf commence dangereusement à enfreindre les règles fixées par le KGB. Il goûte à la liberté et au charme de la vie parisienne. Chaque soir, il trompe la vigilance de l'escorteur officiel. Le danseur rentre en bus avec ses camarades à l'hôtel, place de la République, feint de se coucher, puis s'enfuit par des portes dérobées. Bon, bien sûr, il en faut un peu plus pour flouer les agents du KGB qui le suivent à chacune de ses virées nocturnes. Nouriev sait qu'il est suivi, mais qu'importe. Avec ses amis français, il visite le Louvre, la Sainte-Chapelle, Versailles... Il voit Ben Hur au cinéma, Delon au théâtre et assiste au Boléro de Maurice Béjart. Et il découvre aussi les clubs de Saint-Germain-des-Prés et même le Crazy Horse. Welcome to the Crazy Horse Salon. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Pendant ses sorties, Nourieff fait la connaissance d'une jeune femme d'origine chilienne, Clara Saint. Amatrice de ballet, elle est aussi une figure de la vie mondaine parisienne. Et, cerise sur le gâteau, elle est la fiancée de Vincent Malraux, le fils du ministre de la Culture. Avec elle, Nourieff noue une solide amitié et peut-être même une histoire d'amour, enfin cela reste aujourd'hui encore un mystère. Quelques jours après l'arrivée de Kirov à Paris, en tout cas, la jeune femme vit un drame. Son fiancé se tue dans un accident de voiture avec son frère. Elle noie alors son chagrin en sortant tous les soirs avec le danseur. Les frasques du soliste de Kirov ne tardent pas à remonter jusqu'au gouvernement central. Moscou demande le rapatriement immédiat du danseur. Sergueïev, le maître du ballet du Kirov, ne porte pas Rudolf dans son cœur, certes, cela devrait le ravir, mais la compagnie rencontre un vif succès à Paris. Et ce succès doit beaucoup justement au vilain petit canard Nourieff. Alors, contre toute attente, il défend son danseur et lui obtient un sursis. Mais Nourieff doit se calmer et ne plus sortir avec les Occidentaux, le voilà prévenu. Pourtant, il veut goûter totalement, goulûment, sa liberté temporaire. Et il continue à faire la fête toutes les nuits, à croire qu'il cherche les ennuis. Il faut dire que les nuits de Paris ne manquent pas de pôles d'attraction pour fasciner ceux qui songent à jouer les noctambules. Quelques jours avant le départ du Kirov pour Londres, une soirée donnée au Lido en l'honneur de la compagnie. Janine Ringuet, la bienfaitrice de Nourieff, est de la partie. Rudolf vient s'asseoir à côté de la jeune femme et lui glisse que certains lui disent de rester. Alors il aimerait savoir ce qu'elle en pense. Le visage de Janine Ringuet se fige. Alors Rudolf et Nourieff la rassurent, jamais il ne quittera le Kirov. Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. Ne prends pas cet air triste et ne prends pas la peine de prendre tout ton temps à me dire que tu m'aimes. Je ne me fixe pas, je ne prends pas racine. Je ne suis pas de celle qu'un regard assassine. Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, moi je te suis pour la danse. Faut pas que tu penses que c'est acquis. C'est à toi de jouer et de savoir me plaire. Je ne dis pas qu'un jour il ne puisse se faire. Que la danse finit, je reste prise au piège. Qui sera celui-là? Peut-être toi, qu'en sais-je? Danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. Vous savez, Pascal Rossini, on l'a appris voici 2 heures maintenant que Rudolf Nourieff a choisi la liberté. Rudolf Nourieff, c'est bien sûr, vous le savez, le danseur étoile soviétique qui, avec ses camarades de la troupe du théâtre Kirov de Leningrad, vient de faire courir tout Paris. Rudolf Nourieff, donc, a demandé à rester en France en bénéficiant du droit d'asile. La chose semble maintenant à peu près sûre. L'agence française de presse a signalé que le danseur étoile russe avait été conduit au ministère de l'Intérieur où sa situation devait être régularisée. Alors comment s'est passée la chose? Je veux dire, comment a-t-il demandé à rester en France? C'est, semble-t-il, au dernier moment, sur l'aérodrome du Bourget, alors qu'un avion anglais, il était 11h30, allait l'emmener, lui et ses 150 camarades, à Londres, où les ballets de Leningrad doivent donner maintenant une série de représentations. 16 juin 1961, tous les journalistes sont en alerte. Rudolf Nourieff vient de faire défection. L'événement est considérable. Mais est-ce pour autant l'aboutissement d'un projet longuement mûri? Eh bien, pas forcément, comme le prouve le fil des événements. Le matin même, le danseur soviétique quitte Paris à bord du bus qui conduit toute la compagnie à l'aéroport du Bourget. Pendant le trajet, le responsable de la tournée distribue à chacun des passagers son billet d'avion pour Londres. Étrange. D'habitude, la direction conserve les billets jusqu'au dernier moment. Encore plus étrange, une fois à l'aéroport, Bogdanov récupère tous les billets d'avion sans donner aucune explication. Et le danseur commence à s'interroger. Dans le hall, Nureyev retrouve Pierre Lacote et Jean-Claude Bonnefou, ses amis danseurs de l'opéra, et Olivier Merlin, le critique du Monde, venu lui dire au revoir. Alors qu'ils prennent un dernier verre, Konstantin Sergueïev, le directeur du Kirov, vient à leur rencontre, tout sourire, et demande à parler à son soliste. Il l'informe alors d'un léger changement de programme. Rudolf ne rejoindra la compagnie à Londres que dans quelques jours. Pour l'heure, il doit prendre un Tipolev direction Moscou pour danser pour le Kremlin. Nureyev devient livide, il comprend que la fête est terminée, comme il l'explique dans son autobiographie publiée en 1962. Je sentis ma tête se vider. Danser au Kremlin, vraiment ? Je compris que c'était le coup fatal après 3 années de cabale menées sans relâche contre moi. Je l'avais senti venir. Je savais où j'allais mettre les pieds et quelles seraient les conséquences de ce retour forcé. Plus jamais de voyage à l'étranger et le titre de danseur étoile qui devait me revenir dans 2 ans remis sérieusement en question. Je devrais alors me résoudre au complet anonymat. Autant me suicider directement. Désespéré, Nureyev fond en larmes et se tape la tête contre les murs. À son ami Pierre Lacote, il lance « Je suis un homme mort ». Le danseur de l'Opéra de Paris demande alors à Jean-Pierre Bonnefou d'appeler Clara Saint. La jeune femme liée au ministre de la Culture, André Malraux, par feu son fiancé, pourra peut-être faire quelque chose. Coup de chance, le vol pour Moscou à 2 heures de retard. Clara Saint a donc le temps d'arriver. Nureyev est désormais seul avec 2 molosses du KGB. Le reste de la compagnie a déjà décollé pour Londres. La jeune femme prétexte vouloir dire au revoir à son ami pour échanger 2 mots avec lui. Alors, veut-il vraiment rester ? Oui, il veut rester. La jeune femme se dirige alors vers 2 policiers français et leur expose la situation. Mais les 2 hommes ne peuvent rien faire, sauf si le candidat à l'exil vient lui-même à leur rencontre pour leur exprimer son désir d'être libre. Usant à nouveau de son charme auprès des 2 grands costauds du KGB, elle arrive à lui glisser la marche à suivre à l'oreille. Alors, dans un élan désespéré, Nureyev se jette dans les bras des policiers français, échappant à ces 2 gardes du KGB. La suite est racontée par les journalistes de la RTF le jour même. Nureyev, au moment de monter dans l'avion, s'est mis sous la protection de la police française de l'aéroport. On le conduisit alors dans les locaux de la police du Bourget. Là, en présence du consul général et d'un attaché d'ambassade soviétique, il déclara qu'il voulait rester en France. Des membres de l'ambassade soviétique se sont d'ailleurs aussi entretenus avec lui, mais Nureyev n'a pas voulu changer d'avis. Et on nous signale à l'instant que Nureyev a reçu du chef du 5e bureau un titre de séjour régulier pour permettre que sa situation soit régularisée. C'est bien ce que nous disait l'AFP. Voilà, Rudolf Nureyev est un homme libre. Il est accueilli par le ballet du marquis de Cuevas pour un contrat de 3 mois. Quelques jours plus tard, le 24 juin, il répond aux questions des journalistes. Rudolf Nureyev, Paris semble vous avoir adopté. Allez-vous rester parmi nous ? Dame, il dit qu'il va rester certainement quelque temps. Et danser bon, avec il y a 8 jours exactement qu'il a choisi la liberté. Est-ce qu'il peut donner 1 ou 2 raisons personnelles ? Posez-lui la question, même s'il ne veut pas répondre. Я бы сказал, что это просто большой конфликт между организаторами Ленинградской труппы, и поэтому я не могу ответить прямо на этот вопрос. Il dit qu'il ne peut pas répondre directement, qu'il y a eu un sort de malentendu, un conflit entre lui et la compagnie de Kirov, et que sur le présent, il ne peut pas répondre directement. Le danseur semble hésitant. Car après l'euphorie, le réveil est difficile. Adulé sur scène, Nureyev s'attendait sans doute à être accueilli à bras ouverts par la France. Mais ses espoirs vont vite être douchés. Pour le général de Gaulle, le danseur est un réfugié encombrant. Depuis plusieurs mois, le président de la République française tente d'apaiser ses relations avec Moscou. Déjà empêtré dans la guerre d'Algérie, la défection de Nureyev intervient quelques semaines après le putsch des généraux. Ça fait beaucoup. Et de Gaulle ne veut pas créer de nouvelles tensions. Mais il est vrai que ce danseur soviétique est une bombe à retardement. Son évasion est une humiliation pour l'URSS dans un contexte de guerre froide ultra sensible. Jamais la tension entre l'Est et l'Ouest n'a été aussi forte, rappelons-le. Le débarquement dans la baie des Cochons pour libérer Cuba vient d'échouer. Les soviétiques viennent de s'imposer dans la course à la conquête de l'espace en envoyant Yuri Gagarin en orbite. Et les discussions entre Russes et Américains autour du statut de la ville de Berlin patinent. Rudolf Nureyev fait donc les frais de la situation internationale. Le gouvernement français lui accorde l'asile, oui, mais rien de plus. Et c'est ce que Nureyev raconte dans l'invité du jeudi sur Antenne 2 en 1979. La Russie exerçait des pressions sur tous les théâtres, la majorité en tout cas des théâtres du monde occidental, comme par exemple l'Opéra de Paris. Jusqu'en 69, je ne pouvais pas pénétrer. À Covent Garden, les mêmes pressions étaient exercées, mais Sir David a fait preuve d'un grand courage et leur dit les choses telles qu'elles étaient. En l'occurrence, qu'il n'y avait pas lieu d'interférer dans ces questions. Bien mieux accueilli à Londres qu'à Paris, Nureyev y rencontre Margot Fontaine, une très grande ballerine anglaise qui n'est plus toute jeune. Elle a déjà 42 ans. Et pourtant, le genou et la grande dame vont former pendant 19 ans un duo mythique. Les danseurs entament alors une vie nomade, écumant les scènes du monde entier, de Londres à New York, en passant par Tokyo. Et pendant ce temps, le KGB essaie de l'intimider. Un jour, un journaliste lui transmet 3 courriers. 2 de ses parents, 1 son professeur Pushkin, chacune le suppliant de rentrer. Un autre jour, il reçoit un appel de sa mère, tenant les mêmes propos. D'abord ébranlé, il comprend vite que les services secrets soviétiques sont derrière ces manigances. Ces derniers pensent alors à l'élimination physique, puis projettent de lui casser les deux jambes, une technique courante. Mais ils ne le feront jamais, ce serait un peu trop voyant tout de même. Car l'impétueux Nureyev est devenu un symbole et une icône pop. Il fraye avec les grands de ce monde, Jackie Kennedy, Mick Jagger ou encore la princesse Margaret. Ses cachets flambent et le petit garçon miséreux devient richissime. Alors, il brûle la vie, parle debout, fait la fête toutes les nuits. Mais tous les matins, cette force de la nature est le premier rendez-vous pour le cours de danse. Avec l'Opéra de Paris, les relations en revanche restent compliquées. Jusqu'à ce qu'un changement politique majeur permette le retour en grâce du soviétique dans l'institution française. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République avec, selon notre estimation, 51,7%. En 1980, les socialistes arrivent au pouvoir avec de grandes ambitions culturelles. Et l'Opéra de Paris aurait bien besoin de redorer son image. Jack Lang, le ministre de la Culture, pense avoir la solution. Il veut nommer Rudolf Nureyev, directeur de la danse aux grandes dames des soviétiques. L'ambassadeur du RSS contacte le président de la République et Jack Lang rencontre à 2 reprises l'attaché d'ambassade. Le message est clair, la nomination de ce traître à la patrie serait très mal vue. Jack Lang pense au contraire que la situation est idéale. Nureyev est au sommet de sa carrière, il a 43 ans, il a bourlingué à travers le monde pendant 20 ans et puis le danseur réfléchit à son avenir. Et revenir à Paris, ce serait un peu comme revenir à la maison. Mais le ministre de la Culture se heurte au secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Pierre Bérégovoy, qui ne veut surtout pas froisser les soviétiques. C'est donc François Mitterrand qui tranche. Le week-end de la Pentecôte, lors de la traditionnelle ascension de la roche de Solutré, le président explique qu'il ne va pas se laisser dicter sa politique par les soviétiques. Voilà, c'est gagné pour Lang, Nureyev dirigera les danseurs de l'opéra. C'est le 1er juillet 1983 qu'il prend ses fonctions avec de grandes ambitions, comme le montre ce sujet d'Antenne 2. Améliorer les conditions de travail des danseurs, ce fut l'une des premières exigences de Nureyev en arrivant à l'opéra. Voici donc, dans les anciens ateliers de décor de l'opéra comique, une nouvelle salle de répétition. Quand l'on connaît un peu l'administration française, réussir en l'espace de 8 mois à décider la création de cette salle, obtenir les financements, mettre au point les plans, assurer l'exécution, oui, c'est vrai, c'est un exploit. Il y a la lumière naturelle, et c'est les conditions professionnelles qui ont attendu depuis des siècles. Pour Rudolf Nureyev, c'est la consécration. Il est à lui seul, pour le ballet de l'opéra, une attractivité provoquant quelques remous à l'intérieur de l'institution, d'ailleurs. Et son bras de fer avec l'URSS tourne à son avantage. Nureyev a du succès, Nureyev est riche, voilà. Mais Nureyev est seul. Il n'a pas vu sa famille depuis plus de 2 décennies, et il remue ciel et terre pour la revoir, comme il l'explique sur France Inter en février 1977. Depuis 16 ans, je n'ai pas vu ma mère. Alors, elle est déjà 72 ans. Et vraiment, c'est le temps pour réunir ici, dans l'Occident. Vous cherchez à ce qu'elle ait un visa? Oui, j'ai demandé ça. Je bataille déjà pendant 14 ans et sans aucun effet. Aussi, j'ai parlé avec beaucoup de le monde assez prestigieux comme Wilson, Prime Minister, Kissinger, beaucoup de monde, mais alors sans aucun succès. Vous avez espoir de revoir votre mère? Oui, toujours. Mais les années passent et rien ne bouge. C'est alors qu'une lueur d'espoir apparaît avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Le nouveau secrétaire général du Parti communiste en URSS lance la perestroïka, la reconstruction. Une politique qui passe notamment par la réhabilitation des dissidents. Et un retour de Nureyev en URSS serait un signe fort donné au monde entier. Les Russes lancent donc des négociations avec le ministre français de la Culture, François Léotard. Non. C'est trop beau pour être vrai. Un piège, pense Nureyev. Alors, pour le rassurer, un dîner est organisé le 3 octobre 1987. Y participent Rudolf Nureyev, donc, Jeannine Ringuet, bien sûr, Raymond Soubi, le patron de l'Opéra de Paris, et évidemment, Vladimir Fedorovski, bien en cours au Kremlin, puis un attaché de l'ambassade soviétique. À la fin du dîner, les deux diplomates russes relancent les pourparlers pour le retour du danseur en URSS. La discussion, arrosée de vin blanc, dure 5 heures. L'alcool est dedans, Nureyev se détend. Il finit par accepter la proposition soviétique, mais à 2 conditions. Son voyage ne doit à aucun moment être présenté comme politique. Et il partira accompagné de Jeannine Ringuet, la femme à qui il doit sa venue à Paris 26 ans auparavant. Le 14 novembre 1987, Rudolf Nureyev atterrit à l'aéroport de Moscou. À sa descente d'avion, le hall est envahi de journalistes. Une assurance de plus. Ulysse Gosset, le correspondant de France Inter, est le premier à recueillir ses propos. Je suis très content. Le gouvernement français et le ministère de la Culture qui fait tout est possible pour mon venir ici. Agent Salab. Alors, je suis très reconnaissant de son effort. Vous allez revoir vos amis que vous avez laissés il y a 26 ans? Pas tous. Le principe, voyage, voir ma mère. Vous êtes ému? Peut-être, oui. Est-ce que vous pensez que votre retour a été possible à cause de l'arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev? Oui, peut-être, mais aussi inévitable. Rudolf, est-ce que vous avez jamais regretté d'avoir quitté l'Union soviétique il y a 26 ans? À cette dernière question, Nureyev préfère esquiver avec un merci beaucoup. C'est qu'il ne veut pas risquer de déplaire au gouvernement, car l'enjeu, c'est de voir sa mère. Mais ce voyage est une immense déception. Superstar partout dans le monde, il est ici un inconnu. Oui, personne ne le reconnaît. Le danseur comprend alors que le parti l'a complètement effacé de l'histoire et de la mémoire de l'URSS. Il est comme un étranger dans son propre pays. Et que dire de son entrevue avec sa mère dans la ville de son enfance, Oufa? La scène est pathétique. Très âgée, elle ne l'aurait pas reconnue. Elle mourra peu de temps après. Rudolf Nureyev ferme ainsi la porte sur son histoire avec l'URSS. Il n'y retournera que 2 fois, lui, l'apatride, depuis plus de 20 ans. Il meurt de sida 6 ans plus tard, à l'âge de 54 ans. Pour son dernier voyage, il choisit le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, à côté de Paris. Il y repose dans un tombeau somptueux, recouvert d'un tapis en mosaïque rouge, bleu et doré, couleurs orientales qu'il affectionnait, tissus frangés rappelant aussi, et peut-être surtout, le rideau de l'opéra. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Rudolf Nureyev. Notre invité, Ariane Dolphus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste culturel et vous avez écrit une biographie de Rudolf Nureyev intitulée Nureyev l'insoumis. Vous avez également traduit et fait éditer en France une autobiographie que le danseur avait publiée en 1962, qu'on a évoqué d'ailleurs dans le récit, et c'était en anglais. Bien, alors, première question, parce que c'est la question qu'on se pose finalement tout au long du récit, tant c'est ambigu, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Quelles sont les motivations réelles de Nureyev pour quitter l'URSS? Est-ce qu'elles sont politiques, on va dire plus prosaïques, parce que dans un pays libre, il peut exprimer son art plus librement? Oh, je crois que objectivement, ça n'était pas politique. D'abord parce qu'il ne l'a jamais revendiqué comme tel. D'autres dissidents sont devenus militants, et lui ne l'a absolument jamais été. Et puis parce que je crois qu'il n'en avait pas la culture. C'était pas son truc. Lui, ce qu'il voulait, c'était voir danser. Danser ce qu'il voulait et mener la vie qu'il voulait. Et là où il voulait aussi. Et là où il voulait, évidemment. Voilà. Et à partir du moment où il goûte à ça l'espace de 15 jours, il se dit, mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas... que faire? Que faire, comme disait Lénine, quoi. Et puis finalement, la manière dont il est resté est vraiment circonstancielle. Même si dans sa tête, il était très probablement déjà prêt et déjà mature aussi pour ça, parce que c'est pas facile de bien sûr. Donc ça veut dire que c'est pas prémédité, c'est l'occasion qui fait le larron, si je puis dire, mais c'est quand même pensé. C'est-à-dire que cette occasion, elle arrive sur un terrain favorable. En gros, c'est ça? Oui, et puis surtout, lui se demandait comment il allait, qu'est-ce qui allait l'aider à pouvoir rester. Et finalement, cette espèce de puissance divine qui pouvait l'aider, bah ça, c'était le diable KGB. Quoi. C'est ça qui est aussi incroyable, c'est que le KGB s'est tellement mal débrouillé ce jour-là au Bourget, en ne réussissant pas à cadenasser celui qui voulait. Mais complètement, enfin, il a dû y avoir des démissions en cascade. En plus, Jeanine Ringuet, ça l'avait pas dit dans le texte, mais moi, Jeanine Ringuet m'avait raconté que les deux fameux colosses du KGB étaient complètement bourrés. Enfin, ils étaient au bar et ils enfilaient cognac sur cognac. Donc, ils ont même pas compris vraiment ce qu'il se passait. Et à tel point que finalement, Nureyev était pétrifié d'angoisse. Hein. Ça, tous les témoins que j'ai rencontrés en recoupant un maximum de sources m'ont tous dit qu'il a pas du tout fait le grand saut exceptionnel et majestueux que les médias ont voulu lui donner par la suite. Au contraire, il était effondré et paniqué. Donc vous voyez, c'est aussi compliqué de se dire, est-ce que vraiment c'était voulu, est-ce que c'était subi, c'est un peu des deux. Et c'était vraiment l'occasion, quoi. C'était l'occasion, mais c'était quand même un petit peu, voire beaucoup voulu, puisque quelques jours avant, enfin, on est dans le récit, quand Janine Ringuet lui dit, mais quoi, en gros, tu es en train de me dire, tu vas quitter le Kirov. Il dit, non, jamais je ne quitterai le Kirov. Oui, parce que dans sa tête, ouais. Jamais il ne l'a quitté. C'est ça qu'il voulait dire, en fait. Il voulait pas cacher son plan. Il voulait symboliquement dire qu'il ne l'avait jamais quitté, qu'il ne le quitterait pas, de toute façon. Absolument, absolument. Mmh. Et plus tard, 3 ans après, il y a un très bon documentaire dans lequel il dit my past Kirov, my future Kirov. Parce que je suis sûre, mais convaincue que dans sa tête, un jour, il aurait dirigé le ballet du Kirov. Ouais. Donc oui, effectivement, jamais il ne quitterait le Kirov, parce que dans sa tête, il est toujours là. Alors, qu'en est-il de ce qu'on a pu dire à propos d'un rôle qu'aurait pu jouer la CIA dans cette affaire? Ça peut paraître assez logique, parce que là, c'était un bon coup pour les Américains, puisque les Soviétiques allaient être humiliés. Donc forcément, c'était bon à prendre, hein, surtout en 61, on est vraiment, comme on le disait aussi, au sommet de la tension Est-Ouest. Alors, CIA, rumeur ou... On ne sait pas par définition, mais bon. Pas, parce que je pense que la CIA, comme le FBI, ils ne savaient même pas qui c'était. En fait, parce que quand on regarde la presse américaine peu après la défection, ils se trompent. Hein. Ils parlent d'un nouveau Nijinsky, puis ils se trompent. Ils mettent la photo de Soloviev dont vous avez parlé à la place de Nijinsky. Donc je crois que les Américains, et puis plus tard quand viendra cette fameuse enquête en 64 du FBI, le FBI se trompe dans les dates. Enfin, on peut le lire, hein, sur le rapport du FBI, il est déclassé. Je l'ai lu et c'est truffé d'erreurs. Enfin, c'est complètement amateur, quoi. Donc, non, ça, je ne crois pas trop à la théorie de la CIA. D'une aide de services secrets hostiles à l'URSS. En gros, vous n'y croyez pas? Non. Bon. Et je pense même qu'ils ont été tous très embêtés. Parce que quand on fouille je suis allée aussi voir les archives de la préfecture de police de Paris et du Quai d'Orsay. Et ils ne savent pas trop. Ils se demandent surtout à qui ils ont affaire, en fait. Je crois que ça les a plus angoissés et inquiétés de voir qu'un jeune homme fait défection. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce que ce n'est pas un agent double? C'est dans l'autre sens qu'il faut voir. Oui. Alors, il y a le mythe. Nureyev, bien sûr, ça aurait pu nourrir un film. Il y a du John le Carré là-dedans, parce qu'on arrive en Occident, on y reste, on est à la barbe du KGB, tout ça fait très film, et donc mythe. Alors, on va voir avec l'archive que nous allons écouter ensemble qu'il y a peut-être un hiatus entre la façon dont cette défection est perçue par le grand public de façon mythique et la façon dont Rudolf Nureyev l'envisage et l'a vécu et en témoigne. D'ailleurs, il est interviewé par Daniel Bilayan sur Antenne 2 sur ce thème le 12 mars 1981. Rudolf Nureyev, je ne voudrais pas trop longtemps revenir sur votre passé, mais lorsque vous êtes parti d'Union soviétique, c'était parce que vous pensiez que vous ne pouviez plus vous exprimer comme vous le vouliez dans votre pays? Je suis venu à l'Occident, tout d'abord parce que je voulais me montrer. Je voulais montrer que j'étais un artiste dans l'accomplissement de son talent, et je ne voulais pas être limité en quelque sorte dans mes activités par les pouvoirs publics de mon pays. Et puis, je voulais apprendre beaucoup de ce qui se passait dans le domaine de la danse moderne, en plus. Et je voulais voir ce que l'Occident avait à m'offrir, au fond. Et ça, je l'ai fait, et je continue à le faire, bien sûr. Ça continue à être ma conduite, et ça, je ne pouvais pas le faire en restant en Russie, c'est évident. Mais en fait, pour boucler la boucle, ça renvoie exactement à ce que vous disiez. Il y a comme ça un côté héroïque, mais c'est plus prosaïque que ça. C'était vraiment pour pouvoir exercer son art. Oui, absolument. Je trouve ça intéressant, là, parce que je pense que là, il est très sincère. Quand il s'exprime. En 81, donc, voilà. Il y a aussi l'apaisement avec le temps, bien sûr. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Cette émission est consacrée à l'histoire de Nouraïev, avec notre invité Ariane Dolfus. Vous êtes notamment la biographe française de Nouraïev. Alors, je me posais une question quand même. C'était un osseur, on l'a vu, il n'arrêtait pas de sortir, alors qu'on lui demandait vraiment des exploits artistiques et sportifs, hein, parce que c'est sportif, cette discipline artistique qu'est la danse. C'est une force de la nature. Comment arrivait-il à gérer ça? Ah oui, je crois que les danseurs sont déjà des gens étonnants parce qu'ils doivent avoir un physique absolument impeccable et en même temps être d'une force et d'une vigueur et ne rien manger pour rester tout fin. Enfin, et Nouraïev, oui, était hors norme, hein, vraiment par rapport à d'autres danseurs parce qu'il dansait dans ces grandes années 70-80, il dansait 300 spectacles par an. On achève bien les chevaux, quelque part. Il y a un côté comme ça. Oui, et puis il a dansé jusqu'au bout du bout, hein, même quand il était, sous malade, traitement. Oui, il dansait avec un cathéter dans une poche. Enfin, voilà. Et pour lui, mourir, c'était s'arrêter de danser, et s'arrêter de danser, c'était mourir. Ariane Dolfus, il est arrivé en France, certes, mais l'accueil n'est pas aussi chaleureux qu'il aurait pu le penser. Quelle relation a-t-il entretenu avec la France, qui n'en a pas fait l'un de ses enfants? Je parle du pouvoir politique, hein, bien sûr. Oui, oui. Parce qu'il avait des amis français qui ne pouvaient rien, eux. Tout à fait. Alors, Nouraïev a toujours apprécié à sa juste valeur la façon dont la France dont l'a hébergé. Hébergé, c'est ça, hébergé. C'est un peu ça. Mais ensuite, l'a complètement délaissé. Enfin, la France a eu peur, c'est ça qui est incroyable, hein. Autant l'Angleterre n'a eu aucun scrupule et aucune difficulté à l'accueillir et à braver les foudres soviétiques, la France de Gaulle n'a pas osé. Parce que ça mettait en péril les relations culturelles franco-soviétiques. En revanche, la France de Mitterrand, elle a osé, puisque Mitterrand a dit, je ne sais pas, mais c'est dicté ma politique par l'Union soviétique, pas plus que par les Américains d'ailleurs. Et là, c'est Jack Lang qui l'embauche comme le directeur de l'Opéra de Paris. Voilà, mais c'était aussi pour Mitterrand une façon de montrer une preuve donnée aux États-Unis qu'il n'était pas à la solde de l'Union soviétique. C'est important aussi là de remettre dans le contexte. On disait bien qu'avec Mitterrand, c'était les Rouges qui rentraient dans Paris. Ah bah oui, bah non, bah justement, c'est Nouraïev qu'on accueille. Et pendant ce temps-là, il faisait un énorme cadeau aux États-Unis avec l'affaire Farwell pour montrer sa loyauté vis-à-vis des États-Unis. Voilà. Effectivement, il est directeur de l'Opéra de Paris, mais c'est un poste compliqué, il y a beaucoup d'égo, ça se passe pas si bien que ça. En tout cas, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est quoi le bilan de son passage? Il est exceptionnel. Il est tumultueux, mais je crois qu'il n'y a pas de génie sans folie et sans situation compliquée. Sur le coup, c'était compliqué pour les danseurs. Ils n'arrivaient pas à comprendre et à admettre que Nouraïev danse tout le temps, chorégraphie tout, parle mal aux gens, lance des injures quand ce ne sont pas des thermos. Il était très spécial quand même, hein, même dans la vraie vie, sans être patron. Et ça a été très compliqué, mais je crois que tous les danseurs que j'ai interrogés me disent tous que quand on avait compris son mode de fonctionnement, alors là, c'était extraordinaire. C'était heaven. Paradis. Ouais. Alors, il n'était pas consensuel, c'est le moins qu'on puisse dire, mais sa situation, de toute façon, ne le portait pas à l'être. Et on va écouter les propos d'un certain Maurice Béjart sur Nouraïev. Ça vaut le détour. Je ne veux pas polémiquer avec quelqu'un qui a été évidemment un très grand danseur, un artiste que j'ai beaucoup admiré, mais qui, en aucun cas, n'est un chorégraphe. Et en aucun cas n'est un directeur artistique. Voyez-vous, dans la danse, je crois que les gens se trompent et font des erreurs qu'ils ne feraient pas dans d'autres arts. Est-ce qu'une seconde, on demande à M. Pavarotti, le jour qu'il n'a plus de voix, de composer des opéras? C'est un peu le cas qui se pose ici. Voyez. Alors, M. Nouraïev fait des ballets, la salle de l'opéra est vide, et je crois que le ballet n'est pas content, c'est tout. L'opéra de Paris, ce n'est pas une compagnie privée. Une compagnie qui coûte une fortune à tous les Français, qui est très chère. C'est quelque chose qui représente la France, et je n'admets pas qu'un tsar hystérique gouverne d'une façon complètement arbitraire une maison qui appartient à tous les Français. C'est quoi cette jalousie en bandoulière? C'est drôle, a posteriori, quand même. Oui, hein. Qu'est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Mais surtout, c'est très, très étonnant de la part de Béjart, qui n'est pas, dont ce n'est pas vraiment la nature d'être à ce point guerrier. Enfin, c'est plutôt un consensuel et un pacifiste. Oh, je crois qu'il y avait de la jalousie, c'est ça, quand parce même. Que seule la jalousie génère des propos comme ça. C'est typiquement jaloux. Oui, et puis, il y avait des danseurs qui voulaient, considéraient que Nourrieff ne mettait pas assez en avant. Donc, lui voulait. Et puis, vous savez, en fait, au même moment, il a nommé danseur étoile deux danseurs de l'opéra. C'est ça la source de la polémique lui-même, alors que c'est l'apanage du directeur de l'opéra de Nourrieff. Donc de là est sortie cette crise. Alors après, lui, il a dit, mais non, mais en fait, je vous jure, je voulais pas le poste de Nourrieff. On dit ça, mais c'est pas vrai. Je voulais juste que ces danseurs soient nommés étoiles, etc. C'est absolument incompréhensible, en fait. Hein. Après, il a publié une lettre ouverte d'une page entière dans le Figaro avec Roland Petit. Roland Petit a regretté de l'avoir fait. Enfin, c'est très, très curieux, cette haine qu'a eu Béjart, qui n'a pas duré longtemps. Et d'ailleurs, curieusement, Nourrieff a été très fort parce qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Alors, toute dernière question, Ariane Dolphus, il nous reste 20 secondes, pas plus. Quel est le statut aujourd'hui de Rudolf Nourrieff en Russie? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un récit de l'âme russe, de l'histoire russe? Ça le devient. Ah, ça le devient. Il a fait du temps, c'est souvent le cas. Oui, beaucoup. Et la preuve en est, c'est que cette création qu'a fait le Bolchoï cet été, enfin, l'an dernier, qui s'appelle Nourrieff, a été censurée au départ. Et depuis, c'est un ballet extrêmement couru et recherché par toutes les diligentsias et le pouvoir politique. Merci infiniment, Ariane Dolphus, auteur de ce livre Nourrieff, l'insoumis. Si vous voulez tout savoir, et plus encore qu'en ayant écouté ce récit sur Nourrieff, vous lisez ce livre. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Rudolf Nourrieff, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Stéphane Beaujat qui était à la technique aujourd'hui.